Chapitre 8e. Les fenêtres de rose étaient ouvertes sur le jardin, et le parfum des lilas embaumait l'air. Une lampe allumée sur la table, et voilée par son grand tabac-jour, suffisait à éclairer le petit salon. La jeune femme, debout, versait le thé dans des tasses de porcelaine, et les trois amis, assis commodément, causaient comme si rien n'eût été plus naturel que de se trouver là. C'était à cela pourtant qu'avaient abouti les serments de Marcel à Juste André et les hésitations du docteur Langlois. Ils se retrouvaient là, comme autrefois au foyer du théâtre, comme ce soir les papillons de nuit qui venaient volter autour de la lampe pour tomber éblouis dans le cercle lumineux formé par l'abat-jour. Ils se sentaient fort bien dans cette petite pièce où la personnalité de Rose se révélait dans mille détails, dans une étoffe brillante jetée sur un fauteuil, un cornet de verre de bohème sur le coin de la cheminée, un fichu de dentelle oublié sur une table. Elle était partout, jusque dans les émanations fines et subtiles d'un parfum léger qui s'exhalait de ses vêtements et flottait autour d'elle au moindre geste. Les lilas sentaient bien bon sous la fenêtre, mais cette odeur insaisissable était plus douce et plus capiteuse. Ils étaient fort bien là, ils causaient cordialement ensemble, et chacun d'eux aurait secrètement donné beaucoup pour rester seul avec la maîtresse du logis. Seul, pourquoi ? Rose n'eût été pour lui seule ni plus belle ni plus prévenante. Mais les autres n'eussent plus partagé le charme de sa grâce. Chacun des trois était jaloux des deux autres. Elle avait voulu les réunir en cachette des dames de Chartres. Marcel et Langlois avaient menti à leur femme, prétexté l'un un travail supplémentaire chez un collègue, l'autre une visite lointaine chez un malade dans le faubourg, et rasant les murailles, prenant des détours inouïs, ils étaient venus à ce logis mystérieux dont la porte entr'ouverte les avait admis comme des conspirateurs ou des amants. Ils n'étaient pourtant ni l'un ni l'autre, ces bons bourgeois de Chartres, qui savouraient le fruit défendu pendant une heure, avec toutes les ivresses de la peur. Ils se disaient intérieurement « pourvu qu'on n'en sache rien ». Et si l'on était venu les surprendre, ils auraient ressenti au milieu de leur confusion une sorte d'orgueil à proclamer qu'ils étaient les seuls, oui, les seuls, que Rose Rosier consentit à recevoir, les seuls pour qui elle ne fut pas morte et enterrée depuis l'été précédent. Marcel contemplait la jolie comédienne avec une admiration attendrie. Le fond et les jacques de sa nature trouvaient à s'apitoyer sur les maux qu'elle avait subis. Et puis elle était plus délicate, plus féminine que jamais. Le côté volontaire, énergique, presque viril du caractère de Rose s'était atténué pendant sa longue réclusion, dans son oisiveté forcée. Alanguie encore, à peine rosée par la santé reconquise, elle avait l'air d'une fleur fragile et délicieuse. Marcel Brun, depuis 10 jours qu'il avait été admis à la voir, avait déjà rimé plus de 300 vers, dans lesquels il la comparait à tout ce qui flotte et penche dans la nature, depuis les branches du saule jusqu'aux roses mourantes de l'été. Ses vers étaient enfermés sous clé avec le grand registre dans le pupitre de son bureau, et Madame Herminie Brun n'avait pas accès dans cet endroit-là. Il était bien tranquille. Langlois était bourrelé de remords. Un moment, il avait presque détesté Rose en la voyant si égoïste, si prompte à oublier le service rendu. Et quel service ! La vie même, ressaisie au vol quand elle s'échappait. Il avait jeté André en pâture au désœuvrement de la comédienne, et s'était senti calme, comme un homme qui vient de faire un sacrifice. Puis, en voyant son ami si bien accueilli, lui qui n'avait rien fait pour Rose, une jalousie presque méchante l'avait envahi. Il était revenu plus souvent que jamais, non plus en médecin, mais en ami, pour causer avec Rose qui l'amusait, pensait-il, en réalité pour qu'elle ne fût pas exclusivement occupée d'André. Il avait été ravi de voir Brun se présenter. Celui-là aussi amuserait la jeune femme. André ne resterait pas seul en triomphateur pendant les heures de l'après-midi qu'elle lui laissait passer près d'elle. Quant à leur femme légitime, ces messieurs s'efforçaient d'y penser le moins possible quand ils en étaient éloignés, et près d'elle, ils tâchaient de racheter leur faute par un déploiement extraordinaire d'amabilité qui faisait dire aux voisins « Mon Dieu, que votre mari est donc gentil !»« Pourquoi souriez-vous de cet air méchant ?» dit Langlois, qui observait attentivement la comédienne depuis un instant. Le pli des lèvres de Rose s'adoucit au moment où ses deux autres amis levaient les yeux sur elle. Ils ne virent plus qu'un sourire enchanteur, légèrement nuancé de malice. « Moi ? fit-elle en présentant une tasse de thé au jeune docteur. « Oui, vous ? Pas maintenant ?» reprit-il en la voyant se tourner d'un air innocent vers les jeunes gens, comme pour en appeler d'un injuste arrêt. « Ah, que vous savez changer de physionomie à propos !» Il y avait un peu de sourde rage dans la voix du médecin. Il était sur ce pied de la paix armée avec Rose depuis très longtemps déjà, et plus spécialement depuis le jour où il lui avait envoyé André. « Cela fait partie de mon métier, » dit-elle d'un ton sec. Juste André tressaillit. Il détestait par-dessus tout ces allusions à la profession de la jeune femme. « Voyons, ne soyez pas méchante, » reprit l'Anglois. « À quoi pensiez-vous ? » ?»« Puisque vous voulez le savoir, je vais vous le dire, » fit-elle en s'asseyant un peu en arrière du cercle lumineux. Ses yeux brillaient dans cette demi-obscurité comme deux pierres précieuses, et son visage, d'une pâleur ambrée, paraissait encore plus beau. « Je songeais à la figure que feraient ces dames, vos femmes, messieurs, s'ils savaient que vous êtes ici. » Brun haussa les épaules en murmurant quelques paroles confuses. L'Anglois regarda fixement la jeune actrice, mais ce fut lui qui baissa les yeux sous son regard froid et railleur. André garda le silence et resta immobile. Il lui donnait beaucoup pour que Rose n'eût pas proféré ces paroles, qui lui semblaient manquer de tact et même de bonté. « Nos femmes le sauront, » dit l'Anglois en reprenant le dessus. « La mienne n'ignore pas que je vous ai soigné, mademoiselle. » Il sourit légèrement car Rose avait réprimé un mouvement. « Et si elle ignore ma présence chez vous ce soir, elle en aura connaissance demain matin. » « Je ne m'étonne pas, » s'écria la jeune femme, « que ma vieille bonne soit assiégée de questions. Si c'est ainsi que vous m'avez gardé le secret juré, docteur, ce sont les visites d'André qui vous ont trahi, » riposta l'Anglois. « Remarquez que personne ne sait votre nom. C'est la présence d'une jeune femme invisible qui, » Brun éclata de rire, et les deux amis l'imitèrent. Rose elle-même se joignit à eux. André, promu à la dignité de bouc émissaire, fit assez bonne contenance toutefois. Mais la jeune femme ne rit pas longtemps. Une expression de dépit remplaça la gaieté de son visage. « La sotte ville, » dit-elle avec humeur. « Je vous demande un peu si cela peut faire quelque chose à ces habitants que vous veniez prendre du thé chez moi, au lieu d'aller boire de la bière au café. C'est par esprit de jalousie, de dénigrement. Il en est partout de même, ma chère enfant. » dit l'Anglois avec un air de supériorité qui fit froncer les sourcils à la jeune femme. « Dans toute maison de Paris, on est la proie de ses concierges et des domestiques. Dans toute rue, celle de ses fournisseurs. C'est une loi générale, il faut savoir s'y soumettre. » « Vous m'accorderez au moins, » fit Rose d'un air hautain, « que les dames de Chartres sont plus sévères pour une pauvre comédienne, si honnête que ce soit sa vie, que pour une d'entre elles. »« Je ne sais pas, » dit Brun. « J'ai vu, ou pour mieux dire, entendu arranger de la bonne manière des femmes qui, certainement, n'avaient rien fait de répréhensible. Je crois que partout il y a des mauvaises langues, mais aussi de bonnes âmes pleines d'indulgence. »« Qui pardonne ?» fit Rose avec un sourire cette fois véritablement méchant. « Parlons d'autre chose, mes chers amis. Ce soir, j'ai l'esprit mal tourné, à ce qu'il paraît. » Un coup de sonnette énergique ébranla la maisonnette. Les hôtes s'entrant regardèrent surpris. « Le feu ?» dit Brun devenu pâle. La voix perçante d'une bonne se fit entendre dans l'antichambre, répondant aux reproches de Florence qui avait le coup de sonnette sur le cœur. « C'est madame qui m'a dit de venir ici, » criait-elle d'un ton suraigu. « On a fait le tour de la ville sans rencontrer monsieur. » Alors madame a dit qu'il n'y avait plus qu'ici qu'on pourrait le trouver, à moins qu'il ne lui fût arrivé un malheur. » L'Anglois avait ouvert la porte du salon et la tenait de façon que la bonne ne pût y glisser même un coup d'œil. « Ah, monsieur, » cria-t-elle plus haut que jamais en l'apercevant, « dépêchez-vous de venir. Madame a été prise de mal à 8h30, voilà plus de 2 heures qu'on vous cherche. « J'y vais, » dit-il d'une voix brève. « Allez-vous-en. » Il avait parlé si rudement que la jeune fille terrifiée sortit sans répliquer. Il rentra dans le salon, prit son chapeau, salua Rose d'un geste et s'élança en dehors, sans autres explications que ce mot « Pardon ». « Qu'est-ce que cela veut dire ? » fit la comédienne en fronçant les sourcils. « C'est madame Langlois qui s'est trouvée indisposée, » répondit Brun qui avait compris. « Excusez-le. Excusez-moi, chère mademoiselle. Je cours le rejoindre, dans le cas où il aurait besoin d'un messager. » « Elle est donc malade ? » demanda Rose sans se dérider. « Je ne crois pas que ce soit grave, » dit Brun en souriant. « Selon toute probabilité, l'Anglois sera père d'ici quelques heures. » Il serra la main de la jeune femme, mais n'osa la baiser, tant elle avait l'air concentrée, et disparut, pendant que Florence grommelait de plus belle.